numéro 76, 76. Je sois de ta présence vivant, je fais ma foi. Dans ma faiblesse, ma chance, que je t'envoie chaque chacun, je dois chaque moi, j'ai besoin de toi, viens, Jésus de ma auprès de moi, aide-moi dans l'ombre, rôde autour de moi, accablé par le nombre. Pour te méliter, nous nous approchons de ton trône. Voyant que tu es la même hier, aujourd'hui et éternellement. Et que ta grâce est une réalité. Ta parole est une réalité. Tes promesses sont de réalité. Ton message est réel. Il est la puissance du salut. Pour quiconque croit au Seigneur, au temps de la fin. Nous sommes heureux de ce que tu as pensé à nous. Que tu es venu à notre bassesse. Que nous as sortis de la boue du péché. Que nous as séparés des pécheurs de ce monde. Et que nous apprends les choses de Dieu. Pour que nous apprenions à être comme toi. La véritable piété. La divinité dans la chair humaine. Dieu dans son peuple. Dieu dans des hommes. Le Saint-Esprit réparti dans les lâchetés. Depuis ce jour-là à la Pentecôte, il continue cette œuvre jusqu'à l'enlèvement de l'église. Le départ secret est soudain. Pointe à l'horizon auquel nous ne voulons pas manquer. Répare nos cœurs, répare nos esprits. Chaque jour, Seigneur, nous voulons être prêts, car tu viendras à l'heure où on n'y pensera pas. Nous ne voulons pas être embarqués par le monde, ni distrait par les mondanités, les souillures diverses dans les différents regroupements. Mais nous avons besoin d'une séparation totale avec l'incrédulité, avec la mondanité, avec le péché, avec les iniquités. Alors que ta grâce coule encore, laisse-nous profiter pour la dernière fois et que cette réunion soit une bénédiction. Répand l'onction sur le prédicateur. Toute l'église, toi qui avais promis que dans les derniers jours, tu répandras ton esprit sur toute chair. Accorde-les-nous ce matin. Que ton esprit soit répandu sur toute chair. Nous avons confiance que tu le feras. Nous savons que tu l'as déjà fait. Nous voyons que tu l'as déjà fait. Nous croyons que tu le fais encore. Répandant de ton esprit sur toute chair. De ta main puissante, de ta haute majesté, donne à chacun la portion suffisante, la portion nécessaire. Je me souviens encore de ceux qui sont passés à la position de main ici. Ne laisse aucun d'eux sombrer dans la distraction. Chacun continue à élever les mains au Seigneur. Demeurez en prière jusqu'à ce que quelque chose ne se passe là, jusqu'à ce que le Saint-Esprit entre dedans, que le témoignage je sois conforme à la parole. Alors nous voulons le contact direct avec le surnaturel. Il mettra l'église en progrès. Et que le surnaturel soit qui soit réel. Et chaque croyant verra quelque chose auquel chacun peut parler. Et quelque chose qui répondra en confirmant la parole écrite. Souviens-toi de nous, Seigneur. Et viens au secours de nos âmes. Sans toi, nous ne pouvons rien faire. Dans le service dans toute la maison de Dieu. Bénis cette réunion pour ta gloire. Goûte dehors les forces de l'ennemi. Goûte les puissances des ténèbres. Qu'elles soient chassées au nom de Jésus-Christ. Que la semence et la foi trouvent une place en chacun de nous. Pour se manifester, se confirmer. Et que les maladies soient boutées dehors. Tous les fardeaux encombrants des soucis. Des affections, des inquiétudes, des questionnements, des doutes, qui soient débarqués au nom de Jésus. Que ton amour soit débarqué. Que la joie du salut nous remplit. Nous avons besoin de toi. À tout instant, manifeste-toi, Seigneur, au nom de Jésus-Christ. Et pour ta gloire éternelle, prions ici. Amen. Veuillez vous asseoir. Nous allons, comme a dit le mot de prière tantôt, écouter la prédication de l'évangile de Jésus-Christ. Et c'est la partie du culte la plus importante. L'essentiel pour lequel nous venons ici. Bon, nous sommes un peu gênés là. Vous allez continuer sa mawana avec les bruits de meuleuses ou de disques à couper là-bas qu'on est en train. Non, mais quel est le oyo? Il y a eu le coup de zéro katama bendewana. Je pense que c'est pour ça que les tabernacles autrefois on partait les mettre un peu loin des habitations comme ça. vers les collines, les lieux désertiques, les zones périphériques, là, pour que ce genre de situation ne puisse pas gêner le déroulement des cultes. Ceux-là ont leurs droits, nous aussi nous avons nos droits ici. Et les hommes de la terre disent que votre liberté s'arrête là où commence celle de votre prochain. Alors, donc, dans ces conditions difficiles, nous demanderons à chacun de faire un effort, d'être un peu plus concentré pour ne pas écouter les bruits là-bas dehors, mais on a... écouter ce que dit la chair. Faisons un effort de ne pas prêter oreille là-bas. De ne pas nous fixer sur ce dérangement-là. Voilà. Je crois que c'est ça. Les médiacres, les huissiers peuvent aller parler un peu avec eux, voir dans la mesure du possible, mais ces machines-là, ils ont des bruits automatiques. Ils ont leur programme et tout ça. Que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide à tout instant. Voilà. Oui. Nous allons écouter la prédication de l'évangile de Dieu par le canal du pasteur visiteur qui est parmi nous depuis mercredi et qui termine sa prédication aujourd'hui. Dieu est parce que mercredi il y a le prochain visiteur qui sera ici. Que Dieu vous bénisse richement. Nous invitons le pasteur Jean Koumamba ici à la chaire. En vous souhaitant de meilleures conditions d'écoute par la grâce de Dieu. Shalom. Shalom. Shalom. Shalom. Ce matin, dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous souhaitons tous le bienvenu dans la maison de notre Dieu. Nous avons dû commencer, comme l'a dit le pasteur. Je voulais mettre quelque chose en ordre. Le mercredi, en commençant ma prédication, j'avais fait une déclaration qui n'était pas ni dans le message, ni dans la Bible. Malgré cela, c'est une récitation dans nos bouches, nous les prédicateurs du message. Mais William Branham dit, répétez seulement le band, ce qui est sur le band et sur les brochures. Puisque c'est lui le prophète qui répondra pour l'âge de l'Odyssée. Mais j'avais dit quelque chose. En écoutant dans nos oreilles, c'est une bonne chose, c'est une bonne parole. Ça sonne très bien. Mais cela n'a pas de fondement ni de soubassement dans le message du temps de la fin. C'est la déclaration que j'avais dit que William Branham a dit. Par tout ce message, il sera prêché dans toute sa totalité. La colonne de feu suivra ce message pour le confirmer. Je n'ai ni fondement dans le message ni dans la Bible. Alors je vous demanderai de me pardonner d'enlever cela de vos cœurs. Jusqu'à ce que nous trouverons le fondement et la soubassement, à ce moment-là, on reviendra pour vous le dire. Je veux que mon témoignage soit pire et clair. Je ne veux pas avoir de problème des ennuis à la rivière. Puisque nous voulons que répétons ce que William Branham a dit, ce qui va nous préparer. préparer pour l'enlèvement. Ce n'est pas nos sentiments à nous. Amen. Oui, que le Tout-Puissant vous bénisse. Et je vous souhaite une bonne appétit. Tenez-nous debout. Nous sommes toujours dans Luc 13 là. Luc chapitre 13, verset 22. Oui, Dieu voulant, aujourd'hui nous allons mettre fin à cela. Luc chapitre 13, verset 22. Jésus traversa le ville et le village, enseignait et faisant route vers Jérusalem. Quelqu'un lui dit, Seigneur, y a-t-il que peu de gens qui soient sauvés? Motomoko atuna ki ete kolo batabakobiki sa mabazali ningi te. Il est répondu, efforcez-vous d'entrer par la porte étroite. Car je vous l'ai dit, beaucoup chercheront à entrer et ne le pourront pas. Mais quand ma casse copote en écoute en campouette, dans le binoïte, batomingi, ma comète copote en paix, ma cocotte à thé. Quand le maître de la maison se sera levé, et aura fermé la porte, et que vous étant dehors, vous vous commencerez à frapper à la porte en disant, Seigneur, Seigneur, ouvre-nous. Il vous répondra, je ne sais d'où vous êtes. Alors vous vous mettrez à dire, nous avons mangé une vie devant toi. Tu as enseigné dans nos rues. Je répondrai, je vous l'ai dit, je ne sais d'où vous êtes, retirez-vous de moi. Vous tous oubliez de l'iniquité. C'est là qu'il y aura de pleurs, de grincements des dents, quand vous verrez Abraham, Isaac et Jacob, tous les prophètes dans le royaume de Dieu, et que vous vous serez jetés dehors. Que Dieu ajoute la bénédiction à sa parole. Notre Père et notre Dieu, Tata, nous venons de lire ta parole, comme qui a étudié, fais la lire. Mais s'il y a la mort parmi ton peuple aujourd'hui, c'est parce que l'homme a voulu interpréter ta parole de sa manière. Ce peuple n'est pas venu pour recevoir la mort, mais pour recevoir la vie. La vie vient de ta parole. Mais tu nous avais dit que dans le dernier jour, personne n'a enseigné à son frère. Mais tu avais dit qu'ils seront tous enseignés de lui. Écarte-moi de la fin. Je n'ai rien de spécial à accorder à ton peuple. Je suis de la femme qui me connaît, Seigneur. Mais ta grâce m'a suffi que tu puisses m'accorder les dons pour leur apporter la parole. Que je sois un instrument uniquement dans ta main. Que tu puisses trompeter derrière moi. Je prends l'autorité sur tout esprit maléfique. L'esprit de sommeil. La mauvaise écoute. La mauvaise interprétation. Tout esprit voyageur. Nous précédons dans ce lieu. Soit de qu'il consulte vie. Le château, au nom de Jésus. Ta présence nous suffit, Père. Descends. Quitte. Confirme sa présence. Oui, sa présence est l'absence totale de l'ennemi. Oui, par la prominence depuis la chair jusqu'au dernier moment. Parle-nous comme un père parle à ses enfants. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Vous pouvez mettre. Oui, nous continuons sur notre sujet qui est un jour la porte sera fermée. Un jour la grâce nous quittera. Un jour le Saint-Esprit quittera les nations. Un un jour nous quitterons ce monde pour entrer chez nous. Alors nous voyons que Jésus parcourait le ville de Galilée et enseignait. Avant d'y arriver, quand il prenait le chemin vers Jérusalem, quand vous commencez au verset là, et on dit ceci, en ce même temps, quelques personnes qui s'est trouvées là à Jésus, qui était arrivé des Galiléens, dont Pilate avait mêlé les sangs avec celui de leur sacrifice. Batomosusu bazala kiwana. Natango yango bayebisaki ye likambo na bakalilai ba oyo Pilate asangisaki makila na bango na mbeka na bango. Il est répondu. Voyez-vous que ces Galiléens furent de plus grands pécheurs que tous les autres Galiléens? Parce qu'ils ont souffert de la sorte. Non, je vous l'ai dit. Mais si vous ne vous repentez, vous périez tous également. Ou bien ces 18 personnes sur qui est tombée la tour de Siloé et qu'elle a tué. Croyez-vous que le fils le plus coupable que tous les autres habitants de Jérusalem? Non, je vous l'ai dit, mais si vous ne vous repentez, vous périrez tous également. Alors on lui racontait la souffrance qu'a traversé les Galiléens et les autres là que Pilate avait tué. C'est pourquoi il leur dit non, ces gens-là n'étaient pas le plus pécheur que les autres. Mais vous aussi, si vous ne vous repentez pas, vous périrez également comme eux. C'est pourquoi quand il parlait, il traversait le ville et le village maintenant en faisant route vers Jérusalem. Au lieu que ces gens suivent la prédication du Seigneur pour avoir le salut, mais il commençait à se poser des questions impertinentes. Et quelqu'un lui dit, Seigneur, et ce que vous êtes en train de dire, c'est qu'il y a-t-il que peu de gens qui sont sauvés? Il y a que peu de gens qui sont sauvés. Il leur dit non. Efforcez-vous d'entrer par la porte étroite. Car je vous l'ai dit, en vérité, beaucoup chercheront entrer et ne répondront pas. Quand le maître de la maison sera levé et aura fermé la porte, et que vous à ce moment-là vous trouverez à l'extérieur, et vous commencerez à frapper à la porte, Seigneur, ouvre-nous. Il vous répondra, je ne sais où vous êtes. Amen. Le problème n'est pas de connaître qui sera sauvé et qui ne sera pas sauvé. La Bible dit le salut est individuel parmi les nations. L'essentiel est que vous pouviez expérimenter le Seigneur Dieu vous-même. Vous ne serez pas sauvé sur base de votre pasteur, sur base de ton mari ou ta femme ou tes parents. La Bible dit, deux seront sur eux-mêmes, lui le sera pris et l'autre laissé. Des femmes se montreront à la mêle, l'une sera prise et l'autre laissée. Alors maintenant, la véritable question que vous devez vous poser, est-ce que moi je serai sauvé? Et pour que tu sois certifié réellement que tu seras sauvé, c'est quand tu vas expérimenter la nouvelle naissance. Et quand tu auras le Saint-Esprit, c'est à ce moment-là que tu seras certifié réellement que quand Jésus viendra, je partirai. C'est pourquoi Jésus dit, efforcez-vous d'entrer par la porte. Efforcez-vous. Pourquoi? Puisque beaucoup chercheront entrer ces jours-là, mais ça sera trop tard. Et pour entrer, nous n'entrons pas dans les cours de Jésus par la main d'association. Nous n'entrons pas par des baisers. Mais nous entrons par le baptême du Saint-Esprit. C'est pourquoi Jésus-Christ lui-même, il est cette porte-là. Il a dit, je suis la vie et la vérité. Il n'arrive à mon Père que par le Seigneur. Qui est le Père, le Père c'est le Saint-Esprit. Qui est Jésus? Jésus c'est la parole. Vous ne pouvez pas recevoir le Saint-Esprit si vous n'avez pas cru à la parole de Dieu. Et quelle parole? C'est la parole de l'heure. C'est là où se trouve la puissance de la résurrection. C'est pourquoi Jésus est la porte. C'est le chemin. C'est lui là que vous écoutez ce matin. C'est pourquoi il dit il est la porte. Il est la vie et la vérité. C'est-à-dire vous ne pouvez pas entrer là-bas. Comme si on y entrait dans le marché. Non. Pour entrer dans le cours mystique du Seigneur. Il faut être baptisé du Saint-Esprit. Et vous comprenez. Mes bien-aimés. Tous les ingrédients possibles pour recevoir le Saint-Esprit vous a été donné. C'est pourquoi vous ne pouvez pas vous prétendre être un croyant si vous n'êtes pas baptisé du Saint-Esprit. C'est pourquoi Jésus disait à Pierre, Simon, Simon, quand tu seras converti, averti aussi, et affermissé aussi, c'est pourquoi vous ne pouvez pas vous prétendre croire en Dieu si vous n'avez pas le Saint-Esprit. C'est pourquoi Paul dans l'acte 19 a posé la question à ses disciples-là. Avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru? Dis non. Quel baptême avez-vous donc été baptisé? Il est long de baptême de Jean. Et Dieu Paul a dit, Jean a baptisé du baptême de repentance. Disant au peuple de croire à celui qui venait après lui. C'est-à-dire en Jésus. Sur ses paroles, il fut baptisé au nom du Seigneur Jésus-Christ. Quand pour lui imposer le maître, le Saint-Esprit était descendu sur lui. C'est pourquoi on les a appelés des chrétiens. Mais ne cherchons pas à être membre de cette église visible. Mais cherchons à être membre de l'église de l'épouse. L'enlèvement ne se passera pas dans le Christ tabernacle ici. Ça c'est une carrière. C'est une maison de formation. C'est ici où on est en train d'étayer de pierre. Pour former la maison sainte de Dieu. Et vous serez même la membre de l'épouse. Quand vous serez baptisé du Saint-Esprit. Et si vous me comprenez. C'est dans le Saint-Esprit. Le Saint ne vous connaît pas. Jésus a dit, efforcez-vous. Pourquoi nous devons nous efforcer? Nous avons un temps bien marqué pour nous les nations. Ce qui fait que nous nous adorons. Jacob, n'est pas notre Dieu. Nous sommes des païens. Nos ancêtres à nous adorer les diempungus. Les autres Mawejwa les autres Zakomba. Ce sont des idoles tout simplement. Et mais le véritable Dieu c'est le Dieu d'Israël. Mais par sa grâce. Par sa miséricorde. Il a aveuglé son peuple. Et il a dit. qu'il tourne l'air, qu'il continue à marcher l'air dos courbé. Et à ce moment-là, il a tourné le regard vers nous les chiens. Et c'est pourquoi la Bible dit, il a tourné le regard vers les nations. Pour choisir du milieu d'un peuple qui va porter ce nom. Et le nom de Dieu que nous devons porter, c'est le nom du Seigneur Jésus-Christ. C'est le nom de Branham. C'est le nom de Kadima. C'est le nom qui sauve et qui donne la vie, c'est le nom du Seigneur Jésus-Christ. C'est pourquoi vous ne pouvez pas être appelé chrétien si vous n'êtes pas baptisé. C'est pourquoi il a dit, il a marqué un temps pour nous, le païen. Nous avons une devise, nous avons la fin. C'est pourquoi Paul avait dit, Romains 11:25. Romains 11:25, Paul dit ceci. Car je ne veux pas, frère, que vous ignorez ce mystère. Pour que vous ne vous regardiez point comme sage. C'est qu'une partie d'Israël est tombée dans l'endurcissement. Jusqu'à ce que la totalité des païens soit entrée. Amen. Israël est aveugle. Israël, Israël est en train de souffrir. Israël a souffert. Israël a cause de nous les païens. Puisque si Dieu ne les avait pas aveuglés, ils ne pouvaient pas nier leur maître. Puisqu'ils avaient des prophètes, ils avaient des promesses, ils avaient tout possible qui leur montrait que réellement Jésus était le Christ. Mais si Israël reconnaissait que Jésus est leur Messie, ils ne pouvaient pas les tuer. Mais si Israël ne tuait pas Jésus, moi et vous, je ne serais pas sauvés. Car nous sommes sauvés par le sang de l'alliance de Jésus-Christ. C'est pourquoi profitons cette grâce. Cette miséricorde. Sauvez les temps, c'est temps maintenant à sa fin. Tous les signes précurseurs de la seconde de Dieu venus de Jésus apparaissent devant nous. Ne prenez pas le temps de vous hasarder de rester encore dehors. Vendez tout ce que vous avez pour recevoir maintenant Christ. Ne demeurez pas dans l'incrédulité. Tous les signes précurseurs de sa venue apparaissent devant nous. Nous attendons le débris de feu. Nous voyons les guerres à l'est. Nous voyons les guerres en Éthiopie. Vous allez comment habituer en Éthiopie. En Centrafrique même. Et en Centrafrique, c'est le seul continent qui bouge. C'est pourquoi la Bible dit. Quand vous verrez toutes choses, redressez vos têtes. Car votre rédemption est proche. Il y aura des famines partout. Il y aura des tremblements de terre. Vous l'avez connu à Goma ici. Partout ça bouge. C'est tous les signes qui montrent réellement que Jésus arrive bientôt. Mais s'il peut venir ce matin, que vous êtes prêt à partir. Et tu peux t'empêcher de ne pas aller dans la ville. Puisque les signes sont visibles alors. Il n'y a rien qui n'est pas encore arrivé. La Bible dit, rachetez les temps. Car les jours sont mauvais. Il est plus tard que vous le pensez. Mais la porte est en train de se rétrécir. Et C'est le temps, mais il se chante de nous doit expérimenter son Dieu. Sortir dans cette assemblée visible. Et se mélanger dans le corps de Dieu. C'est ça l'essentiel. L'essentiel pour nous. La Bible dit, cherchez premièrement le royaume de Dieu. Les restes là vous serez accordés par-dessus. Les royaumes des cieux, c'est le Saint-Esprit. Les royaumes des cieux, c'est Christ en vous. C'est pourquoi mes bien-aimés, il ne reste plus rien que ce qui n'est pas accompli. Le dernier signe qui était resté pour nous les païens, c'était la dispersion d'Israël et son intégration dans sa patrie. Mais pourquoi il avait dit la génération qui verra Israël le dispersé. Cette génération ne passera point. Israël a été dispersé dans la Septante par le général Titus. Et Israël est rentré dans sa patrie à 1946. Et cette génération qui verra sera, ne passera pas. Pensez-vous maintenant qu'il nous reste combien de temps? Est-ce qu'avez-vous reçu le Saint-Esprit? Qu'est-ce qui vous empêche de ne pas recevoir le Saint-Esprit? Puisque la Bible dit, la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend de la parole de Dieu. Et Jésus dit, cette parole que vous entendez, et cet esprit est vie. Mais depuis que vous avez écouté cette parole, où est cette vie en vous? Quels sont les produits que c'est en train de produire? Puisque chaque arbre sera reconnu par ses fruits. C'est pourquoi il dit, ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous. Mais celui-là, celui qui fait ma volonté, c'est celui qui entraînera. Et la volonté de Dieu, c'est sa parole. C'est que vous écoutez maintenant. Mais qu'est-ce que tu fais avec cette parole que vous écoutez? C'est pourquoi les prophètes disent, mais il faut avancer. Vous les voyez, faites attention. Soyez sérieux envers vous-même. L'État, il faut avancer. Pourquoi il a péché? Messieurs, que l'irait-il? Sentinelle, qu'en est-il de la nuit? Messieurs, laissez-leur. Et il a péché. Mais c'est l'événement moderne. Et rendu clair par la prophétie. La prophétie, c'est la Bible. C'est la parole que vous écoutez. Tout ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui, ce ne sont pas des histoires. C'est la prophétie de Dieu qui est en train de s'accomplir. Et les prophètes disent, les signes ont été donnés uniquement pour les enfants de Dieu. Pas pour les païens. Les païens peuvent voir des signes. Ça ne servira à rien. Ils vont rester tellement immobiles. Renseignez-vous par le signe. Séduisez-vous par ce qui est en train de s'accomplir au milieu de nous. C'est pourquoi nous lisons dans Romains chapitre 11 là. Romains 11. Puisque l'État est fort parti. Romains 11, 11. J'ai dit donc, et c'est pour tomber qu'ils ont branché. Loin de là, mais par leur chute, le salut est devenu accessible aux païens. Afin qu'ils fussent excités à la jalousie. Or si leur chute a été la richesse du monde, et leur amoindrissement la richesse des païens, combien combien plus en sera-t-il ainsi quand ils se convertiront tous. Puisque quand ils vont se convertir, à ce moment-là, l'église ne sera pas sur la terre. Puisque Dieu ne peut pas travailler ensemble avec les nations, avec Israël. Quand j'ai travaillé avec Israël, il avait tourné au dos du païen. Maintenant, quand il travaille avec le païen, il a tourné les dos en Israël. Mais maintenant, Israël est rentré dans sa patrie. Il ne nous reste plus rien. Et il nous reste seulement les dernières minutes récupérateurs de notre Dieu. C'est la patience de notre Dieu. C'est l'amour de Dieu maintenant. C'est la miséricorde du Seigneur. Il ne fait pas qu'aucun de nous périsse. Je vous l'ai dit à vous païens. En tant qu'apôtre des païens. Je glorifie mon ministère. Afin qu'il est possible d'exciter la jalousie de ceux de ma race. Et en sauver quelques-uns. Car si l'air rejet a été la réconciliation du monde, quelle sera leur réintégration? Sinon une vie entre les morts. Or si les prémices sont simples, la masse aussi. Amen. Et si la racine est sainte, les branches le sont aussi. Mais si que quelques-unes de branches ont été retranchées, et si toi, qui étais un olivier sauvage, tu as été hanté à leur place, rendu participant de la racine et d'aller de la grâce de l'olivier, ne te glorifie pas aux dépens de ses branches. Si tu te glorifies, sache que ce n'est pas toi qui portes la racine, mais que c'est la racine qui te porte. Si il dira donc, les branches ont été retranchées, en fait que moi, je suis senti à leur place. Amen. Ne te glorifie pas. Le livre précède la chute. Aujourd'hui, si vous attendez sa voix, ne touchez pas vos corps. Il y a une surprise de jugement. La porte est en train de se laisser répéter. Puisque Israël est rentré dans sa patrie, c'est là le dernier signe. C'est là William Branham a dit, faites attention. Quand vous voyez Israël est rentré dans sa patrie, c'est le temps de vivre pour les nations. Pensez-vous qu'il nous reste combien de temps? Et vous chantez, combien de temps pensez-vous qu'il nous reste sur la terre? Il est plus tard que vous le pensez. Les filles se voient dans le ciel sur la terre. Tout ça se voit que lui, Jésus vient bientôt. Oh, la Bible avait déclaré qu'il y aura des pestes. William Branham a construit, mais il y a même des maladies qui sont en cours que le médecin ne sera pas même pas guéri. William Branham a remarqué que c'est un malade, mais sous ce aujourd'hui nous avons la COVID 19. Les lots aux années de la COVID sont la première phase. Deuxième phase. Aujourd'hui il y a la quatrième phase qui est déclarée. Les lots ont commis à mine Badigolo. En Afrique d'ici. Vous en avez fini en anglais. Et l'attente s'est enfilée encore davantage. Et puis les sous-coléca. C'est pour les Européens, ce sont attendus la semaine passée. Aucun avion venant de l'Afrique de l'Est ou de l'Ouest ne peut pas pénétrer l'Europe. Et ce peuple, mon côté, au Tata, n'afflique au Yangeleto, n'afflique au Oyo, et mon passé, vous soyez au Tata, au Tata, ma belle. Et sachez que cette quatrième phase sera plus cruelle que les trois précédents. Mon peuple, Yamino, Kozala, ma casse, pour les canaux, mais ça, toi, Yaligos. Pour cela, ce sont les signes précurseurs de la vérité du Seigneur. Non, ça va, Zalibi, mon côté, ça va, et quand vous voyez cela, ça ne vous dit tout simplement rien. Il va prendre le bel et le côté. Rachetez les temps, bon, car bon. Les jours sont mauvais. Les alibes. Les temps est fort parti. Mais pourquoi William Branham dit, faites attention, les derniers signes, c'est Israël dans sa patrie. On peut les lire dans la tempête approche. C'est dit, lundi 29 février 60. Et la qui côté mana mokolo ya musalamoko mokola tukumbele na libo sanza ya mibale mbuya koto moko kama libo tukumotoba paragraphe 154 nzela kotanga mukama tukumi tano na minei. Est-ce que vous êtes ici avec moi? Vous allez avec moi ngai paragraphe 150 nzela kotanga mukama. L'autre soir j'ai regardé un film dans lequel à leur retour ils descendaient l'air vieux estropié des bateaux. Na bongo mukolo moko na poko na zali kota na bililingi boko na kokitakana masua bazali kokitakana matambe na bango esilinge na kotenga masoke zali nekti abatu ya. On leur demandait. Babana kutuna bango. Et vous revenez dans la patrie pour mourir. Bozongi na mabile na bino pwete boya kokufa. Il répondait, non, nous sommes revenus pour voir le Messie. Et vous comprenez, ils commencent à avoir maintenant soif de leur Messie. Mais toi l'étranger, l'olivier sauvage, quand on vous a donné la grâce, vous ne voulez pas profiter de cette grâce. Yo mupaya. Yo elaya penza na zamba. Mais vous n'en faites pas. Ne vous en faites pas. Les figuiers donnent ces bourgeons. C'est là le dernier signe. L'emblème. Le drapeau le plus vieux du monde. Flotte sur Jérusalem. C'est une nation indépendante. Ayant sa propre armée. Avait été aveuglé pendant un petit moment. Pourquoi? C'est pour vous et moi. Maintenant ils ont soif de leurs yeux. Mais elle se ressemble de nouveau. Elle avait promis. Alors viendra la fin de la dispensation des nations. Ils attendent un Messie. Vous savez, il suffit une fois demander à Dieu. Est-il possible que tu oublies Israël? Il dit, quelle que soit la hauteur de Dieu. Quelle que soit la profondeur de la terre, mais j'irai là. Le prophète dit non, je ne le peux pas. Et il dit, je ne peux pas non plus oublier Israël. C'est la prunelle de mon œil. C'est là le dernier signe. Jésus a dit, lorsque vous verrez les figuiers bourgeonner, sachez que l'état est proche. Même très proche. Israël commence à être restaurés. Ils ont leur propre monnaie. Il y a 4 semaines, il y a leur propre monnaie. C'est une nation à part entière. Et comme il est beau, Mobimba. Qu'attendez-vous la fin de la nation? Les derniers signes, qui d'après la prophétie devrait être donné aux gentils, a été manifesté à la nation et au monde entier. Est-ce que vous les voyez? Et sachez que notre départ est secret et soudain. Et vous ne partirez pas si vous n'avez pas le Saint-Esprit. Et si vous avez le Saint-Esprit, cela changera votre vie. Vous ne mènerez pas la vie que vous êtes en train de mener. C'est ce que la Bible dit. Quand le Saint-Esprit viendra, il vous conduira dans toute la vérité. C'est ce qui dégage ce qui est là de vous. Et vous mènerez la vie de la crainte. Sachant que celui qui vous appelait est saint. Et vous serez aussi saint comme lui. Et vous me comprenez. Mais allez pour avancer mon frère. Rachetez le temps. Car les jours sont mauvais. Nous rentrons maintenant dans Matthieu 24. Attendez, on va descendre. Je crois que nous sommes tous les instruisez-vous par une comparaison tirée du figuier. Qualité à outre la musique. Dès que ces branches deviennent tendres. Et que ces feuilles poussent. Vous connaîtrez que l'été est proche. De même. Quand vous verrez toutes ces choses. Sachez que le Fils de l'homme est proche à la porte. Je vous l'ai dit en vérité. Cette génération ne passera point. Que tout cela n'arrive. Les ciel et la terre passeront. Mais mes paroles ne passeront point. Mais pour ce qui est du jour et de l'heure. Personne ne le sait. Ni les anges. Ni les anges de ciel. Ni les fils. Mais les personnes. Ce qui arrivera du temps de Noé. Arrivera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Car dans les jours qui précédèrent le déluge. Les hommes ont mangé. Vivaient. Se mariaient. Mariaient les enfants. Jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. Amen. Il dit pour ceux qui est du jour et de l'heure, personne ne le sait. C'est pourquoi nous taxons les branamis de menteurs. Pourquoi? Si Jésus-Christ était déjà venu, fini avec la prédication. Puisque l'ange a dit avec le commissionnaire William Branham lui avait dit, et c'est moi je lui ai appelé qui Moussala na William Branham alobakanaïti. Comme Jean-Baptiste fut envoyé comme premier précurseur de ma première venue. Toi aussi William Branham, je t'envoie avec ce message qui préparera ma seconde venue. La seconde venue c'est l'enlèvement. L'enlèvement c'est la disparition. Mais comment si Jésus est déjà venu? Vous voulez trouver encore vous pressez, continuez. Pressez pour amener les âmes où? Et c'est ce qui est ça, c'est dit quoi? Yo, vous allez pas côté. Vous allez côté, pas de même la yango, pas inini. Amen. C'est du mensonge, il n'est pas encore venu. Et allez nous couper sur nos. Il nous attend. Il passe matin, il est là, Dieu de miséricorde. Et c'est qu'il en a trop besoin. Il a les bras ouverts. Vous voulez te voir. Il est là, vous baptisez du Saint-Esprit. Il vous aime. Nous sommes en train de chercher le Benjamin. Là où se trouvera le Benjamin, l'enlèvement aura lieu. Mais jusqu'à ce matin, Jésus est encore Dieu de grâce. Il est la porte ouverte pour le salut. Vous voyez tout simplement, vous serez baptisé du Saint-Esprit. C'est dans le temps de la promesse. C'est ça notre lien de départ. C'est pourquoi il dit, ce qui arrivera du temps de Noé, arrivera pareillement à l'avènement de Jésus-Christ. Qu'est-ce qui s'est passé du temps de Noé? Rentrons dans Genèse 6. Est-ce que vous êtes ici avec moi? Vous allez le moment. Je peux bien comprendre. Vous allez le moment. Genèse 6. Genèse Mokapomotoba. Lorsque les hommes ils commençaient à se multiplier sur la face de la terre, Natangobato, Bayaki Mingi, Namokili. Et que le fille les refirmait, Katana Basi, Babotamaki, Nabango. Le fils de Dieu dit que le fils des hommes était belle et il a Ils en prirent pour femme parmi tous ceux qu'elle choisit. Bana babali na nzambe ba mwanakete bana basi na bato bazalaki na bonzenga mpe akabataki kati na bango basi na bango na libala ba oyo eponaki bango. Alors l'Éternel dit, bongo ya walobaki, mon esprit ne restera pas toujours dans l'homme. Mulimo na ngai umele seko kati na moto. Car l'homme n'est qu'un cheveu. Wete moto azali ko bela mutu. Nous serons des 120 ans. Et mi kolona ye kozala mbula mukama tukumi bale. Amen. Bela bango. L'histoire doit se répéter, l'histoire doit se répéter. L'histoire yango ne zali kozonga ba. Ne lisons pas littéralement comme les dénominationnels. Ils vous disent ce qui arrivera du temps de Noé. Mais si vous êtes du temps de Noé, où est Noé? Noé azali wapi? Où est le message de Noé? Wapi sango oh Noé? Où est l'âge que vous devez entrer? Wapi? Puisque l'âge c'est la sécurité. Wete wapi azali de combattre la main. Amen. Amen. Mais nous croyons au message de l'heure. Nous voyons que l'État est accompli à 100%. Nous voyons qu'il y a une multiplication des gens sur la terre. Nous voyons même que même ici à Kinshasa, quand on était dans des années même 74, quand on était à Kamombele, si on dit que toi tu es un enfant de Mombele, on pleurait. Mais aujourd'hui, Mombele est devenu vide. Et à Mombele, il y a des étages. Il y a de l'eau et de l'électricité. Il y a à peu près 6 communes à Kinshasa. Mais aujourd'hui, c'est 26 communes. Partout où il y avait des champs, ça devient des maisons d'habitation. C'est quoi? C'est un signe qu'il y a une surpeuplement. Amen. Il y a maintenant la naissance même des filles. Allez demander même aux hôpitaux, aux sages-femmes. Il est demandé l'air parmi ceux qui sont des nouveau-nés, parmi les hommes et les femmes qui sont plus nombreux. On vous dira que c'est là, ce sont des femmes qui sont les plus. Il y avait un poète qui avait chanté dans les années 74-73. Il a dit 20 millions de femmes et 20 millions de femmes, et basi balé, qui me balé, je pense que les anciens connaissent cela. Amen. Il y a 20 millions de femmes, basi balé, qui me balé. Basi balé, qui me balé, na moutouya. Mais si cela était comme ça, 20 millions, aujourd'hui, il y a combien de millions de femmes? Ceux qui basala qui n'kotent tout me balé, les loyers, bah, tout cause à la bonne. Pensez-vous qu'il nous reste combien de temps? Bon, quand il s'est attaqué, quand il va y avoir un abisso. Amen. C'est un signe. Et d'aller gagner, c'est un signe bientôt. Il n'y a pas tout simplement la naissance de filles. Il y a aussi la beauté de la fille. Pour séduire maintenant l'humanité. Oui, c'est oui, William Branham me dit. Il y a une arme atomique plus sophistiquée. Qui peut tuer en un clin d'œil. C'est une femme mal vêtue. Et vous comprenez? C'est une femme mal vêtue. Moi, je suis la tissima. Comme le diable avait déshabillé Ève dans le jardin d'Eden. C'est la même chose pour le la longola qui la bala et wakunana et la même chose dans les derniers jours dans cet âge-là, on disait. Vous verrez bon goût, mais colo, souk en attendant la odite. Le diable a déshabillé la femme. Moi, je pour la longola qui la bala. Regardez leur façon de se vêtir. Vous allez vous l'engager à l'attaque. Mais chercheurs, c'est pas pour que je parle. Je parle à des femmes de l'extérieur. Vous êtes des princesses. Vous êtes bien instruit, vous n'aurez pas de problème à la mort. Puisque la Bible dit, qu'il regardait là une femme pour la convoiter, il a déjà commis adultère avec elle dans son corps. Après, les adultères n'entreront plus. Est-ce que vous comprenez? Les câbles les a déshabillés. Et qui portait des longues jupes. Mais il commence maintenant à porter des mini. Ils sont coupés avec quelle intention? Et tu es porté de pagne. Et ils ont refusé. Ils commencent maintenant à porter de pantalons. À porter maintenant des collants. À porter maintenant des culottes. Avec quelle intention? Non, ma calicini, on va la télaka. C'est pour vous séduire. C'est pour faire attention. L'État est fort avancé. C'est tous les signaux rouges, signe de sa venue. Et toi aussi, fils de Dieu. On t'assoit. Soyez fils de Dieu. Gardez votre identité. Battez la paix à mon moto. Ne cédez pas la pression de l'ennemi. Et c'est avancer. Puisque la Bible dit. Lisons. Total. Lisons dans Jérémie chapitre 31. Jérémie 31, 22. C'est très honteux. C'est pour ce que les enfants de Dieu sont en train de faire. Et c'est au propre à leurs yeux. Et c'est comment on a eu un peu de temps à la paix pour voir personne. Quel témoignage donnera-t-il à ce moment-là? Tu n'as pas encore résisté au péché. Non, non, non, tellement les gens sont motifs. C'est ce pourquoi Jésus disait peur. Ne préserve les du mal. C'est-à-dire vous ne pouvez pas marcher sur des pas l'extérieur sans vous raconter avec un péché. Les diables aussi se fait du tir dans des femmes. Jérémie 31, 22. Jusqu'à quand seras-tu errante fille égarée? Inotam bonini. Okole malema maka. Mwana mwasio upengwa. Car le Seigneur crée une chose nouvelle sur la terre. Zambi yawe asali likambola sikana mokuli. Quelle chose que l'Éternel crée sur la terre? Elokoni nango oyo nzamba asali na. La femme recherchera l'homme. Moi si akoluka mobale ete abalaye. Amen. Amen. Ce n'est pas l'homme qui ira me la chercher et la femme. Et maintenant, dans l'âge de la Odyssée, c'est la femme qui cherchera l'homme lui-même. Et quand la tête est mobile, elle est moi si akobala. Moi si akobala. Mais vous direz, mais comment? Dans sa façon de se vêtir. Na l'olenga na e kolatela. Moutolo libanda, bibibanda. Mais qu'est-ce que vous cherchez après? Nini oyo zali koluka, ozo luka nini? Le sous-vêtement à l'extérieur. Il en bas, et quand il monte même de là-bas, le Philippe monte, elle va tirer ménager. Vous tirez encore comme l'esprit. Au moins, il en bas, là, il y a des coussins, il y a des coussins. Tout cela pourquoi? Yo c'est pour vous séduire, vous séduire, vous les enfants de Dieu. Est-ce que vous comprenez? Vous êtes quoi ce soir là? Oh. Les gars, les armés. Pour maintenant vous séduire. C'est pourquoi quand vous les demandez, mais. Vous correctement. Qui peut faire là? Mais qui peut faire pour qu'est-ce que vous êtes en train de faire aussi? Alléluia. C'est pour vous mettre en garde. L'État est pour avancer. Il n'y a plus de temps. L'État est en train de se rétrécir. Les femmes sont devenues belles. Avec Max Facto. Aujourd'hui, vous ne pouvez pas trouver une femme laide. Les femmes tous sont devenus belles. Mais nous ne disons pas que vous vous laissez avec la salité. S'il y a de propres femmes dans le monde, ce sont des chrétiennes. Ouais. Ce que vous avez dit, c'est que vous avez dit que vous avez dit que vous avez dit que vous avez dit que vous regardez, Sarah avait existé 80 et combien des années, mais quand Elimelech la regardé, il a vu comme si elle était une jeune fille. Dans l'être de ça, la commissaire n'a mis sous qui tout le monde. Parce que je me était propre. Habillez-vous correctement. Pour ne pas être une pierre d'achoppement pour les autres. Comment imaginer une femme, vraiment légalement mariée, elle va exposer ses seins à l'extérieur. Elle est comme ça. Elle vous promet. Yosa Soda. Est-ce que tu ne te gênes pas? Mais quand il vient là, t'approches là. Qu'est-ce qu'il y a? Et vous aussi, vous êtes distrait. Regardez, frère, c'est la Odyssée, frère. La Odyssée. Yo, père, vous allez vous la Odyssée, il y a un an, la Odyssée, la Odyssée. Et tu vois t'entremêler dans ces choses. Père, ouais, quoi, comme il croit ça, ma cambobongo. Et tu vois rejoindre les femmes de Pakadouma. Okay. Eh, frère, tu vas te rejoindre les femmes de Pakadouma. Ok, vous écoutez, on a battu, il y a Pakadouma. C'est quoi, mon bâle? Que Dieu ait pitié de toi. Zambé, ayokeromawa. Ressaisissez l'occasion. Ete, mwanazela. Qui est dans le terminé. Vous allez na chika ya mabe. Et la grâce de Dieu est encore là. Ngolo na zambé zali na luana. Qui t'interpelle, frère. Zambé zali na luana. Revenez à vous-même. Zonga na kati na luana. Prenez votre bonne conscience. Ete, miso sola kamalabu. Vous n'êtes pas, rejetons pour être jetés dans le feu. Yo, zali moutoute wa ya mokisa. Mais qui a été là que te parle, les sangs précieux du Seigneur Jésus-Christ. Ete, aussi kola mi pesa na matila na tabe na kolo na miso. Nous sommes sur le chemin, on tombe, on soit te relever rapidement. Vous allez na mzela au petit de bako. Quoi, tellement. Mais qu'est-ce que ne soit pas votre vie. Et la terre, moi, je vous comprenez. Vous le sang de Christ coule encore. Et la grâce coule encore. Oui, Seigneur. Encore une fois, Seigneur. Et la mort au secours. Et encore une fois, Seigneur. Et la mort au secours. Que cet esprit a implorez la grâce de Dieu. Venez le présent, ne vous enfermez pas. Les femmes sont avancées. Les femmes sont devenues très belles là. C'est joli. Avec la beauté de Bob de facto. Et c'est là pour vitié. Là, vous séduisez. Si les diables les ont déshabillés. Vous voyez, il dit, Sokolongo la bilamba, moulungue. Sokolongo la bilamba, moulungue. Mais en enfer, il fait plus chaud que la Odyssée. Mais si vous ne pouvez pas supporter cette chaleur de la Odyssée, comment supporterez-vous de l'enfer? Et vous n'avez pas du tout la bilamba, moulungue. Il suffit de pas se déshabiller. Moi, je ne sais pas. On s'en fout. Revenez, ressuscitez l'occasion. Et Christ est là. C'est pourquoi même des poètes ont dit. Et l'état qui n'en là, tu vas boucler les tu vas confirmer qu'il y a Zali, l'équipe Lucifer. Mais l'équipe Lucifer avec nous, il y a des rapports. Moi, je suis le seul qui a lu ce film. Matanga. Mais vous l'avez chanté, vous les chantez. Boyemba, Kayango, Boyemba. Mais ça, c'est là. Il a bon côté. Alléluia. Ce sont les événements modernes rendus clairs par la prophétie. Puisqu'on ne peut pas vous parler seulement de l'histoire, il faut que vous parlez de l'actualité. Alléluia. Mais William Branham me dit, William Branham Alobi, quand vous voyez une femme comme ça se marier, saluez-le, dit, et Koloba. Saluez-la. Bonjour madame, je viens de déchets. Comme sa mère a été broutée par les chiens Jézabel, toi sa fille, qui ira aussi, sera aussi broutée un jour. Le quoi la maman a eu Jézabel, Aliyamaki Pesan Amboa, Yo Mouana Naye, moi si vous voulez beaucoup lire ma peine. C'est pourquoi la grâce est encore là. L'État est encore là. Réfinissez l'occasion. Jésus t'appelle ce matin. Remets ta vie au Seigneur. Jésus te pardonnera. Jésus te donnera l'unité d'esprit. Ne vous enfermez pas avec des femmes. Vous voyez, les diables même, on a démocratie. On a dit non, maintenant c'est un jour, maintenant c'est la démocratie. Ça, ça fait comme il est. La démocratie n'est pas pour nous les chrétiens. La démocratie, cela veut dire démocratie. On ne peut pas gracier un démon. Mais les mondes intellectuels ont gracié les démons. Pour qu'ils puissent opérer à travers les femmes. C'est pourquoi la Odyssée, c'est l'âge de la femme. C'est pourquoi on leur a donné la journée de 8 mars. Qu'est-ce que cela veut dire 8 mars? C'est la journée internationale de la femme. C'est le jour l'égalité de l'homme et la femme. Est-ce que la femme était égale à l'homme? L'égalité. On offre de la parité. Qu'est-ce que c'est la parité? Qu'est-ce que c'est l'égalité? C'est le même mot. Ça c'est le ruse du diable. Et vous les fils de filles de Dieu, ne vous entremêlez pas. Pour dire oh non, ce Hollandais va me balayer là, on va tomber les poutres chinois. Non, ça c'est une bêtise. Respectez vos maris. Réellement que la vie est devenue difficile. Mais gardez votre dignité. Est-ce que vous comprenez? Respectez, même s'il n'y a pas l'argent, respectez, c'est ton chef. N'acceptez pas la pression du diable. Alors, nous sommes émancipés. Il nous dit que n'a jamais été émancipé. Voyez comme Sarah. Sarah qui appelait Abraham son Seigneur. C'est pour ma vie de dire. Je ne permets pas à la femme d'enseigner et de prendre l'autorité sur l'homme. Elle doit demeurer dans le silence. Comme dit la loi, elle ne sera néanmoins sauvée en devenant mère si elle persévère dans la foi. Excusez-moi, mes soeurs. Vous êtes contente? Vous êtes dans la joie? Et que le Seigneur bénisse. La démocratie est venue pour les fils du malheur. C'est la démocratie est venue pour la banane. C'est un démon qu'on a gracié. On l'a enchaîné pour laisser les femmes peuvent faire quoi que ce soit qui les emmène. On les a abordé la journée de 8 mars. Mais l'homme qui est l'extérieur, où est sa journée? Sa journée, c'est quoi? Quelle journée? Ça c'est l'injustice. Ouais, comment vous pouvez accorder la journée à la femme et non pas accorder aussi à l'homme? C'est les techniques de l'ennemi. Et vous allez présenter vos maris aussi à la maison. Non, vous ne savez pas que c'est la journée. Le 8 mars approche. 8 mars approche. Ça vous sert à quoi? Ça vous est à quoi? Tout ce qui fait mon mari, il y a des gens qui ont été en train de se racheter le temps, les jours sont mauvais. La Bible dit que ce qui se ressemble s'assemble. Et bien, le monsieur, vous allez pouvoir faire un sangani. Sortez de la Odyssée. Préparez-vous du Seigneur. Ne touchez pas ce qui est son pire. Je vous enseigne. Les temps, il faut avancer. C'est pourquoi les péchés, cela est entré même dans l'église. Est-ce que c'est de chez vous que vous devez faire maintenant des femmes prédicateurs? Des Gabonaises. Alléluia, alléluia, alléluia tout. C'est une abomination quand une femme va se tenir devant les hommes pour leur prêcher la parole. Est-ce que vous comprenez? C'est pourquoi il nous a fallu mal à cicatriser pour ramener à la foi des apôtres. Sortez de ce pourritif. Sortez mes bien-aimés. Préparez-vous. Et ça, il faut avancer. Bientôt la porte va se refermer. Vous êtes à ce moment-là. Sortez de la route. Préparez-vous, abandonnez la mauvaise vie. Le bénéfice vous attend. La porte est encore ouverte. Est-ce que vous comprenez? C'est pourquoi le prophète dit ceci. C'est un seul pasteur à blaguer encore. Non, c'est un temps à bombarder. Ce n'est pas des temps vous flatter. Le temps de flatterie est déjà passé. Parce que ce sont les violents qui s'en emparent du royaume. Nous ne voulons pas l'évangile là pour vous donner. Où est-ce que vous apportez frère? Parole sur parole. Ni mes brebis attendent ma voix, il me suit, me connaît. Et les disciples demandent, Seigneur, mais cette parole est disciplée à l'attendre. Un prédestiné écoutera, il fera. Lisons le prophète. Vous êtes ici? Vous allez voir. Je lis dans les départs secrets soudain, le 12 octobre 58. Ok, d'ailleurs, poisson, pour gagner du temps, au paragraphe 79. On a quoi? Dieu ne laissera pas son église exister trop longtemps dans cette condition. Amen. Pourquoi? Il dit quand le fils de l'homme viendra, tournera-t-il la face sur la terre? Et quand le mal sera accru, l'amour du plaisir ne se refroidit. Où est l'étoile que vous aviez au début? Où est la chaleur que vous aviez au début? C'est pas tout. Ok, tu as baloki. N'as pas du mal. Répends-toi. Tout bien là. Il dit. Allô, Bi. Le monde est corrompu. Mokili et Bébissami. La politique est corrompue. Politique est débat. L'église est corrompue. Et quel est JMP et Bébi? Ce dont nous avons besoin pour faire plus à ce propos. C'est que les gens, c'est que des gens qui craignent Dieu. Et s'assemble et invoque le nom du Seigneur. C'est ce que Branham Tabernacle devait faire. Amen. Amen. Amen. Amen. C'est dont nous avons besoin. Ce sont des prédicateurs à l'ancienne mode. Envoyés de Dieu. Mais du ciel. Qui diront la vérité sans regarder qui s'ablesse. C'est comme Jean-Baptiste, qui disait, la cognée est mise à la racine de l'arbre. Tout arbre qui ne porte pas de bons fruits, et pour péché qu'on fait, dans cette condition maintenant où nous vivons maintenant, nous avons besoin de tels prédicateurs, de tels prophètes, qui bombarderont, qui utiliseront le jugement de Dieu, comme munition pour mettre cela en pièces. Vous ne pouvez jamais vous débarrasser du péché en laissant poser au dos. Non. Vous ne pouvez jamais vous débarrasser du péché en donnant des instructions aux gens. Nos programmes sont par terre. Ils ont échoué. Il y a un seul remède contre le péché. C'est Christ qui est ce remède. Ce n'est pas Christ au travers d'une confession intellectuelle, mais au travers du baptême du Saint-Esprit, pour une nouvelle vie et une régénération. C'est cela l'unique remède contre le péché. L'unique remède pour une nation. L'unique remède pour l'Église. Pour les gens. Amen. C'est pourquoi nous ne pouvons pas vous apporter. Vous allez vous allez vous ne pouvez pas me dire non. Prenez votre dernière décision maintenant même. C'est le temps de la décision. C'est le temps de vous séparer. C'est ce n'est pas le temps de faire des rituels inutiles. Non. C'est le temps de vous décider. C'est de vous séparer avec le monde. Et pour qu'on ne me quitte. Ne me dis pas. Bonjour, mon bon année, je crois. Et j'allais y a titine année pour toi sauver la produit. Y a titine année pour s'appeler ça la produit. Non, c'est avec ça. Moi, ne vous emmènera pas au ciel. Séparez, prenez la dernière décision. Je vais et dire au nom de Président, c'est lui qui m'a toujours soutenu, frère. Et les parents n'ont pas les moyens. Priez, Dieu vous donnera les moyens. Gardez la dignité d'une fille de Dieu. Et c'est pas que moi dans Zambé. Ne vous habituez pas avec la parole. Et c'est pas la pression de la vie. Amen. Mais ça, il faut avancer. C'est pour aller en Branham et dire. Il nous faut maintenant de munitions pour pomper les juges. Nous ne pouvons pas vous englouter. Non, on n'est pas venu pour cela. Nous sommes venus préparer l'épouse pour l'enlèvement. Après ces jours-là que nous soyons récompensés. Et tu as mis ton petit jour, oh, et c'est gagné la bise. Ne dites pas, moi, si c'est comme ça, c'est moi le donateur de cette église. Là, je ne vais pas lui donner. Même si vous ne me donnez pas, Dieu préparera pour moi. Oh, le grand gagnant, mon petit père, ça gagne les yeux. Le grand lobby, mon grand père. Attends, au fait, si n'a eu des hommes, vous m'avez dit la maille. Lisons dans la tempête approche. Pourtant, dans mon grand père, ça le cobé, 83 paragraphes. C'est prêché lundi 29 février 60. Teyama kinde na mukolo azu mina libwa sans ami balé mubo ya koto moko kama libwa tukumotoba écoutez ce qui se passe boyoka oyo mosakole za koloba pour gagner du temps. J'ai dit nalobi non hey. J'ai dit nalobi nous vivons simplement ici biso to sal ko biso obere awa mais nous sommes d'en haut zokode to sal bata nikolo nous sommes d'où to sal bata wapi. Le Saint-Esprit de Dieu est venu sur nous. Nous sommes donc pèlerins étrangers ici. C'est-à-dire laissez la Odyssée faire ses affaires. Laissez les morts enterrer leurs morts. Ne vous entremêlez pas. Nous avons notre cité de là-haut. Tika batuna mokili basala oya bangona na udika. Tika bakufi bakulo bakunda bakufi na bango. Bokota na makambo na bango te biso mokili na biso ezale woye. Dans les femmes, c'est des habits. Vous habillez-vous correctement. Soki basi na bango, basali komiro ngole bilamba. Bino bolata ndepe elango bani. Comment imaginer un frère dans le message, il va mettre son pantalon ici sous la hanche, marcher comme s'il a des chics. On se fait ces amarques et a fallu. Quel rapport y a-t-il fallu vous? On a dit pantalon, ici, on a fait, on a fait, on a fait, on a fait, on a fait, on a fait, on a fait, on a fait, on a fait, on a. Nous sommes donc pèlerins étrangers ici. Ce n'est pas notre pays. Mais nous cherchons une cité à venir. Donc c'est l'architecte et constructeur de Dieu. Par conséquent, quand vous laissez d'en haut, le Saint-Esprit descend sur vous. Venant de Dieu, cela change votre nature. Cela change votre nature. Vous ne serez pas le frère là du Dieu, frère. C'est pas ta face, tu ne causes pas avec ta face, tu ne rires même pas avec ta femme. Ta propre femme. Quand vous vous montrez les dents aux femmes, elles ne vont pas blaguer avec vos frères. Mais quand vous allez là-bas au Chongchong, vous vous montrez même les dernières dents pourries. Oh, bah, ouais, c'est un Abraham, Oh, même ton appareil que ta femme n'a jamais touché, mais c'est prostitué, c'est toi avec ton appareil. Na, appareil, ouais, yo, moi, c'est Simba, kate, kasi bandumba. Mais allez aussi me consacrer à la mort. Quand vous voyez le bon temps que vous avez reçu, vous êtes Dieu, vous allez au ciel. Est-ce que toi tu peux aller au ciel? Non, tu veux qu'on en aille. Est-ce que c'est certain que tu iras au ciel? Vous allez signer ton cœur en aille. Son cœur n'est pas condamné à la même part. Vous êtes moi, yo, on est quoi, il s'accata, yo, t'es. Que Dieu te fasse grâce. Zambé, Asunga, yo, ça l'a yon golo. Revenez bien aimé. Bonjour, ma baling ami. Quand vous recevez le Saint-Esprit, cela change votre nature. Peu importe si votre soeur ou votre mère ou votre meilleur ami s'habille telle et telle manière, ils ont la soki nani. Tata, mon ingato, yayon, alati le lengato, le lengani moussousou. Mais les chrétiens qui est né de l'Esprit de Dieu est né d'en haut. Son esprit, c'est de notre royaume. Je suis heureux dans la simplicité du Saint-Esprit. Les suivants, comment il se comporte. Vous faites vous comporter. Mais vous comprenez, nous avons besoin de prédicateurs rosto à l'ancienne mode. Qui ont le Saint-Esprit. Qui n'ont pas peur de prêcher l'évangile. Les mains nues. Ma bako balati alo bazipite. Non pas revêti d'espèces de gars en caoutchouc. Et c'est pour ça que j'ai mon côté le colonetti. Y'a mais prêchant la venue du Seigneur Jésus. Les jugements pour le méchant. Et c'est pour ça que pas les ciels pour les justes. Et c'est là la porte. Et une venue imminente. Voyez-y, t'as la même guité. Amen. Quand Poète. Quand cela. Je ne sais pas. Mais personne d'autre ne le sait. Mais je vais me mettre, je veux mettre en garde ma génération. Si cela arrive maintenant, je veux que les gens soient mis en garde. Amen. C'est ça mon souhait ce matin. Je vous mettrai en garde. La porte est en train de se rétrécir. La venue du Seigneur est pour vous. Notre départ est secret et soudain. Ne soyez pas distraits. La venue du Seigneur est pour vous. C'est pourquoi. Quand maintenant le mal est surabondé, Dieu a accordé maintenant le message à Noé. Zambé, à qu'est-ce qui s'engage Noé? Noé construisait une arche. Et Noé tonga Masua. Que vous allez appeler maintenant les gens entrer pour être sauvés. Yo, combien de bâtisseurs c'est bien, ça va coûter pas la comique ça moi. Et l'arche, c'est le corps du Seigneur Jésus Christ. Masua, ils allaient dans un ton, dans quoi ils sont. L'arche, le temple de Christ. Là où Masua, ils allaient aller l'ingé. C'est là notre sécurité. Bien sûr, il faut pas tirer mon ami. Noé a continué à prêcher. Non, combien qu'il a coûté. Noé a continué à prêcher. Non, combien qu'il a coûté. Mais les gens se moquaient de Noé. Bah, tu vas dans quoi tu vas là, Noé. Mais ton incrédulité ne peut pas arrêter le plan de Dieu. Ça c'est pas ça, mon ami. Mais côté la misère, mon gourou. L'incrédulité arrête seulement l'incrédule. Noé a prêché. Noé suppliait les gens. Venez entrer, venez entrer. C'est comme aujourd'hui. La Bible dit. Jésus s'était à la porte. Il frappe. Si tu l'ouvres, il entrera. Il souffrira avec vous. Mais vous ne pouvez pas l'ouvrir. Mais le jour va venir. Quand la porte sera fermée, c'est vous maintenant qui viendra maintenant frapper. Mais ça sera trop tard. Mais aujourd'hui, il toque dans sa porte. Il frappe dans ton cœur maintenant. Si tu veux écouter sa voix, c'est pas vous que la vie du péché. Sortez du monde. Nous ne sommes pas de ce monde. Nous sommes les concitoyens du ciel. Noé prêché. Noé prêché. Et les chariots de Noé. Bah, c'est qu'à Noé. Les autres même venaient me chier même dans l'âge. Comme toi tu viens chier dans cette église. Le problème c'est que l'on parle dans cette église. Vous allez voir c'est que les gens sont. Je ne suis pas pour cette église. Vous allez dire pas coupé avec les gens au lieu. Quand on prête quelqu'un à l'extérieur, quand tu pries où? Oui, ça comprend. Dans votre tabernacle. Oh, mon Dieu, Jésus Christ est tabernacle. Oh, mon Dieu, tu pries avec ta gauche. Oh, vous êtes, vous êtes au temple de l'ongana, vous êtes au temple de l'ongana, ta gauche. Oui, vous êtes au temple de l'ongana, ta gauche. Ah, d'accord. Ah, bah, c'est bon. Ta gauche, il a des petites filles ici avec vous. Ah, ouais. Mon Dieu, vous êtes au temple de l'ongana, bah, na basia ouya linga kao. Il entre dans cette chambre. À quoi t'as capé nanda koi? Amen. Bobele bongo. Tu vas tenir une pierre d'achoppement. Yo, comme une dédi. Qui répondra? Ne soyez pas scandale ni pour les Juifs, ni pour les Grecs, ni pour l'Église du Seigneur. Vous allez faire mouton pour mettre ces libacou. Et la pobaël, pobaïou de top on a écrit les gens. On ne se moque pas de Dieu. Noé a laissé la porte ouverte pendant 120 ans. Et Noé a dit qu'à qui écouter pour faire. Personne ne venait pour entrer. Mon côté a banal pour se mettre à l'abri. Et toi aussi. Combien de temps que tu n'as pas écouté le message? Bon, et tu demeures la même femme incrédule. Il donne même des coups à son mari. Il prête même son mari. Il a mis ta complique à ce chose où on a chiqué. Et et celle qui donne des coups à son mari. Et c'est moi, moi, ça se complète. Et la soeur, c'est la soeur, c'est la soeur. On l'a appelé ce frère. Qu'est-ce que tu dis, c'est quoi, c'est tout cela. Et c'est ma zoki, c'est mon bal, il y a zoki, batouni, mon bal. Oh, zoki, boy, zoki, chaque fois. Ce jour-là, il n'y avait pas du courage, je voulais sortir, je me suis cogné à la porte, frère. Et que réellement, tu étais cogné à la porte. Mais quoi, mon bal, il a dit que c'est mon bal, mon colongo, le roi, l'autre, il a dit que c'est un peu de mal, yo, mais t'as dit que c'est un peu de mal. Mohamed Ali. Et de quoi moi si mutu a bibutu. Je ferai mal. Tu donnes des coups à ton mari. A zoko pesa bibutu na mobile na yo. Réponds-toi. Tu bela. Ça fait honte même du quartier. Et ça pas que ça m'assoigne à ta nesika bovandi. Même ton frère. Attends, pourquoi ne pas dire au pasteur? Pourquoi ne dis-tu pas battre mon bâtiment ici? Dégage pourquoi? Non, bon, mais les démons vont grandir. D'abord, elle va te faire entrer même sous les lits. Ah, pourquoi tu es en train de se rendre bête? C'est pourquoi vous voyez que quand même le frère vient demander quelque chose, au lieu de lui donner, et laissez-le à l'opéra. Après, attendons la scène. Est-ce que ça, c'est un homme, hein? Oui, on ne peut pas dire. Les hommes féminins n'entreront pas dans le royaume de Dieu. Oui, mais allez le voir là-bas, c'est pourquoi c'est un homme qu'on dit ensemble. Mais quand la sœur veut donner la chose aller à sa famille, est-ce que je te demande toi la permission? Créer du pitié, ce n'est pas le message. Revenez dans le bon sens en tant que le fils du royaume. Les temps il faut avancer. Il nous a prêté pendant 120 ans. Et non, qui mais qu'est-ce qui est frappant dans ces choses? Les animaux dans des forêts. Voyez la colère de Dieu à venir. Et quitter la forêt. Et venir s'abriter dans l'arche. Mais l'homme qui a déjà créé son image. L'homme ne voyait rien. Il se moquait toujours de Noé. Et alors, tu as la copie de Noé, tu as amen. Amen. Et l'homme se moquait toujours de Noé. Noé. Et pourtant, c'était le temps de la grâce. La porte était ouverte. Les animaux ont vu la colère de Dieu. Mais l'homme ne voyait rien. Moutou. L'homme se moquait toujours dans le péché. C'est lui qui aime le monde et les choses du monde. Il a voulu faire des prêts à lui. Il se faisait des allusions. Moi-même, je veux fermer la porte. Si il ferme, personne ne peut ouvrir. C'est pourquoi ne vous faites pas de fausses allusions. Qui écoute le message, au lieu de te repentir, si on ferme, voyez avec mon argent, quand je vais mourir, frère, quand vous allez voir les prêtres, Kambongo, il va leur donner l'argent, il va prier pour mon âme. C'est une fausseté. La vie ou la mort se tire à toi. Et c'est bon, moi, toi, l'Iwa, et Zalinde, à Onamokili. Ne soyez pas comme un jeune riche. Et c'est pour ça que la parole est née, moi, Zoui. Il avait besoin du salut. Il était en face même du salut. Il était en face même du salut. Oui, ils se sont convertis. Et c'est pour ça que la pour avoir la vie. Et c'est pour ça que la parole est née, moi, qu'est-ce que tu es venu faire ce matin? Yo, Natomo, yo, Salinio. N'est-ce pas pour avoir la vie éternelle? Mais la vie éternelle, c'est Jésus-Christ. Et Jésus-Christ, c'est la parole. Et c'est pourquoi vous êtes en train d'écouter la parole? Pardonnez-nous, allez-vous filmer les liloba. Et allez vendre tout ce que tu as maintenant. Alors, la Bible dit que le jeune riche est allé tout triste. Biblia avait tellement mon bali mon zoakenda qui n'a mawa. Tout triste. Pourquoi? Puisque il ne voyait pas comment il pouvait abandonner sa mauvaise vie. Comment il devait se séparer avec le tété? Et tellement il n'a pas quitté pour qu'abonner à moi société. Il a trouvé ça ridicule. À mon acquis, non, mon frère. Vous êtes toi qui t'étais en attaque, nous voulons le faire. La message n'a plus rien à voir. Ce qui n'a rien à faire, ça ressemble à l'ensemble malade. Ça qui est un ensemble malade. On verra à la suite. Vous comprenez, Mini, vous comprenez. Alléluia. Amen. Les jeunes sont allés tout tristes. Et les gars, qu'est-ce qu'il y a dans ma voix? Comme toi aussi, tu es triste. Le quoi, il y a pas comme il y a dans ma voix. Mais il s'est retrouvé en enfer. A ce jour, matinée. C'était trop tard, la porte était déjà fermée. Il a dit, c'est dit, collègue, qu'est-ce qu'il faut quand même? Il va élever les yeux. Ah, tombe l'émission. Père Abraham. Oh, tata balayam. Tata balayam. Quitte à Lazare. L'homme à Lazare. Il a fait son danser là. Et tata, vous êtes là, maïe. Ah, tata, vous êtes là, tata. Lyon, mouton, t'as la gueule comme là-bas. Soupe ou natolo. Maman, congé. Papa, six. Mais aucun autre, vous allez t'en aller à maïe. Et Bouillon, et Bouillon. Faites attention. L'état est encore là. Les portes est encore, la porte est encore ouverte. Et pourquoi ça y est au fond? Si le prince est trempé, son doigt, ses doigts, et le maisonnet même de coutelettes. Et attangata, attangata, moussa pinaye na maï, pe, attangata, litangana maï. C'était trop tard. T'as vu les cas. Et dis-moi bien le maire, qui a été avec la carte sur la tête. Vous avez dit la salle et le monde à Mokili. Qui t'a régissé. On va n'aider pas ce pays là. Lazare a souffert. Lazare a souffert. Maintenant Lazare se repose. Ça c'est que Lazare a souffert. Mais toi aussi souffre. Amen. Amen. Oh non, voilà, mais sur la terre, rentrer à la terre. Et c'est une d'ailleurs son gâteau dans mon kili. Parce que j'ai cet offre là-bas. La bande de constant beaucoup d'un. Si nous puissions les intéresser de ne plus me rejoindre ici. Et ça y est, puis ça m'envoie, c'est pas dans les chigans à la salle. Non, ils ont des prédicateurs. Ils ont des prophètes. Ils ont la parole. Ils ne se répandent pas. Ils ont tout mérité. Ils ont la parole. Amen. Voilà les jours de salut. Et c'était trop tard pour lui. Et ça, vous qui pour naïe. Mais la grâce est encore là pour toi. Et Ngolo, et c'est l'inanouana. Mais si tu dois maintenant. Kana, vous avez la mauvaise vie. Et si tu as mon ma belle. Son bêtise, ta face. Et c'est quoi, le bonheur? La grâce de Dieu. Et c'est la grâce du Seigneur. Et c'est la grâce du Seigneur. Et c'est la grâce du Seigneur. Celui qui vient à moi. Alors, bien, c'est la croix qui s'était envoyé pour y faire. Et il dit. Ce qui n'est pas honte. Nous avons un avocat auprès du Père. Nous avons un avocat auprès du Père. C'est Jésus-Christ. Nous avons un avocat pour nos péchés. Il est là ce matin. Nous avons un avocat pour toi. Il est là ce matin. C'est lui qui cache ce péché. Nous avons un avocat pour nos péchés. Il est là. Mets-toi en ordre, mon bien-aimé. La porte est en train de se retirer. Et quand Dieu a dit que les hommes étaient très résistants encore, dans et que les animaux sont en train de... Allez, Dieu a fermé la porte. Je vais même te rapporter ma clé. Je verrai la loi où toi tu vas les rouvrir. Même si on t'a invité aujourd'hui, attends, qui a écouté la parole, qui a écouté le message, qui ne sera pas excusé, qui a déjà écouté, prends ta décision, mais quand celle qui est venue dans cet tabernacle, qui a écouté la parole, qui ne se répand pas, et brûlio, et brûlio. Amen. La grâce est encore là. Et Dieu a fermé la porte. Plus tard. Merci. Quand les coups de l'éton commencent à te faire. Mais quand on toquait sur ton cœur, pourquoi tu n'acceptais pas? Quand on t'appelait de venir rentrer, pourquoi tu refusais? Quand on t'a dit d'abandonner la mauvaise vie, pourquoi tu n'acceptais pas? Quand on t'a dit que la porte est fermée, ça c'est une. C'est qui? Nani? Oh, Père Noé! C'est qui? Nani? Et Jean Gazier, viens soyez bien là, je vous fais fuir dans la vie. Alléluia. Amen. Pire na yo David, Adani pire na yo. Yo kali yo David awe. Voilà pire na yo. Mais ça c'est là. Et vous yo. Oh. Père Noé. Attends. Mais tu ne me connais pas. Oui, binga. C'est qui? Oh, Père yo kutu père vrai. Père esprit. Oui, Père esprit à ce père. Viens. Voilà les jours du salut. Venez, ne résistez pas. Ne résistez pas esclaves du péché. Jésus t'a déjà libéré. Yes, il a fait une chose. Vous allez retarder beaucoup dans la vie de mon père. Père Noé. Oh, tata, Père Noé. C'est qui? Nani? Oh non, mais c'est moi ta fille. L'ami de Cam. L'ami de Cam. L'ami de Cam. Quand on t'appelait, pourquoi tu ne venais pas? Alléluia. Amen. Maman Mouzine, venez. Repends-toi. La porte est encore ouverte. Dieu t'a déjà sauvé. Tout est déjà accompli. Il ne reste que toi-même. Et tu as donné la tête blanche. Tout pour toi. Les saluts t'a déjà donné. Et maintenant, c'est ton salut. Yo, Yaka, mon bien, acceptez seulement l'œuvre du calvaire. Yes, dis-moi, mon Moussa, le salam, qui abandonnez la mauvaise vie. Si, comment vous m'avez dit? Je te pardonnera. D'abord, je vais vous dire. Je dis, oh, moi, tout là, vraiment, il a bien mon amai. Mais, Zamba Sakangi, à quel affogo? Alléluia! Zamba Sakangi, à quel affogo? Moi, tu vas souffrir. N'est-ce pas, vous voulez là? Mais la porte aujourd'hui est ouverte. Les lois écoutez, on te supplie de venir rentrer. Pourquoi vous résistez? Venez mon frère, c'est la grâce est encore là. La vie de Dieu est encore là. La miséricorde est encore là. Le temps de pardonner est encore là. Le temps est encore là. Que Dieu vous fasse grâce. Parce que les jours sont mauvais. Mais la porte est encore desserrée. Mais les envoyés n'est pas encore fermé. Mais il nous laisse encore l'espace pour te faire entrer. Ça peut être la dernière prédication pour toi. Où sera-tu? Où passera-tu l'éternité? Amen. Et Dieu avait fermé la porte. Et la pluie était tombée. Et tout le monde était décédé. Est-ce que vous comprenez? Que cela ne t'arrive pas. Que Dieu te parle de cela. Et il dit, ce qui arrive à des temps de l'autre. Comment il l'autre? Ce qui arrive à des temps de l'autre. Arrivera parallèlement à l'avènement de Jésus. Qu'est-ce qui s'est passé des temps de l'autre? C'était la sexualité, l'homosexualité qui battait les corps. C'est ce qui se passe aujourd'hui. Non, ils pas ça, les le ministère à Kinshasa. Attends, ça. Partout même dans le gouvernement. Attends, il y a des homosexuels. C'est le mariage contre la fille. Et ce que je peux se réjouir avec cela. C'est dommage. Si je peux vous montrer des photos ici. Voilà les photos de mariage de l'homme avec l'homme. Il se réjouit. Point de mariage. Mais alors, ça rappelle Ibala. Pensez-vous qu'il nous reste combien de temps? Vous connaissez cette égalité en Moulaï Bodhi. Les femmes même se marient avec des bêtes. Bah, si vous allez comparer à Nana Banyama. Voilà. C'est une fois de blague, c'est une réalité. Les amis, ma sanouté, les amis, comme vous allez me sortir. Pensez-vous qu'il nous reste combien de temps? Vous connaissez cette égalité en Moulaï Bodhi. Mais quand il faut avancer, c'est pourquoi William Branham dit l'homosexualité. Lisons dans le signe, pour gagner du temps, on m'a dit qu'il reste 5 minutes. Accordez-moi ne plus que 5 autres encore, que j'ai terminé la lecture, bien aimé. Nabongo to sanga pona ko sikisa lo bala balobi e tikali bo bele minute mitano nde ko pesa ngata ko minute mitano msusu wete le sikye di tambe mardi 20 mai 58 soir ele mbo ya tango oyo ya mukolo ya musalami bale so mukolo tukubi bale sansa ya mitano paragraphe 41 zela ko tanga tukubi na moko quand j'ai voyagé pour Los Angeles récemment, Los Angeles à Kalamingite, j'ai amené un journal que l'hôtesse m'avait donné dans l'avion. Na memaki mukanda moko oyo mwasi oyo yayambaka bato na pepo apesa kingai. J'ai vu que chaque nuit, na manakete butu na butu nyoso. Il s'est commis 185 crimes majeurs dans la ville de Los Angeles. La moralité est relâchée. Et puis, on affirme que la perversion, l'homosexualité a augmenté de 60% en cours de l'année passée. Et Fuluka qui pense na si en 58, là à Los Angeles, il y avait 60% de l'homosexuel. Mais maintenant, 2021, c'est augmenté à combien de pourcents? Ce qui n'a pas de pourcents, il y a encore un peu de pourcents. Il y a encore un peu de pourcents. Il y a encore un peu de pourcents. Il y a encore un peu de pourcents. tukumotoba na mukama na mubu wango bongo lelo na mkoto mibale tukumbale na moko ça peut être combien et kukiwa zalaboli même maintenant au Congo ataku sasa il y a des homosexuels il y a des pédés vous les voyez vous qui avez ta vie Kinshasa moi je viens de la forêt dino babandi Kinshasa ongana uti nangana zamba. Vous voyez ce qui se passe en ville, les jeunes gens. Vous allez comment vous allez ça la macaque na bilenge. Qui ne voit pas cela? Non, non, mon accord. Et cela ne vous interpelle pas que l'État il faut avancer. Il y a un peu de temps que c'est bien aussi que les camions. C'est pourquoi le prophète dit ceci. Il ne finit pas cette génération. Il est obligé de ressusciter Sodome et Gomorre et se repentir. Ce qu'ils ont, mais à quoi passer tout le monde et les croyants. Et c'est que les hommes, à cette fois, ils sont dans mon accord. Et c'est à ce que vous voulez. Est-ce que Dieu peut se repentir pour toi? Zambé, à quoi qu'il. Les départs secrets soudain, paragraphe 47. Zela potanga tukumina na sambo na liteya kokende ya kwasape ya sekele. C'est-à-dire ici, s'il ne voit pas finir cette génération, il est obligé d'aller se repentir auprès de Sodome. C'est dont nous avons besoin aujourd'hui pour c'est pour crier à l'Amérique. Et dans le Congo, crier au Congo, crier à Kinshasa. Ce sont des hommes envoyés de Dieu. Et dans le Mibale, on s'en des hommes remplis de Dieu. Bato, par la puissance du Saint-Esprit. Des hommes qui n'ont pas peur de crier contre la chose et qui chose qui est fausse. Et c'est un peu ça, quand il faut pas me dire que le peuple du jugement. Imina. Oui, et quoi, la minité. Dieu ne peut pas en aucun cas laisser cette nation échapper au jugement. Zambe akolinga tamukata kotika kambokoyo ekima na esambiseli. Si Dieu le faisait, so, kosa, lango, il serait obligé de ressusciter Sodome et Gomorre. Et sengami etasek wisa Sodome na Komolo. Et s'en excuser. Et asenga bolimbi. Auprès de. Et pas na bango. Pour les avoir engloutis à cause de même péché. Pwete ye azingisa kibango bobede. Amen. Et je ne le ferai pas. Dieu ne va pas même pas se repentir. Il est de sa parole. Si vous ne voulez pas venir entrer, il dit quand le maître de la maison ça sera levé. Quand le maître de la maison ça sera levé. Il aura fermé la porte. Et vous à l'extérieur, vous commencerez à mettre à frapper. Qui êtes-vous? Mais vous avez péché chez nous. Qui c'est ta berne? Vous connaissez pas? Qui connaît le pasteur David? Connaissez Jésus-Christ? Laissez que l'Esprit d'en haut lisez la parole. Mettez-vous à genoux, priez. Soyez prêts, sinon vous serez surpris parce que le monde continuera comme ça, comme si rien n'était. Mais l'enlèvement a déjà été lié, la porte a déjà été fermée. On vous apportera des brochures et des Bibles, mais vous ne serez pas sauvés. Vous risquerez de passer maintenant dans la tribulation et vous vous demanderez, mais comment la tribulation maintenant? Mais l'enlèvement, c'est déjà passé, il n'a pas été fait. Zokande connaître la mécosale ma okende de kunate ou tika la mobilité, n'est ban passe bandina mokrisa saipi. Zokande, nyon se sil kosale mayo, aux arakina katinangote. Lisons dans celui qui est en vous. Sotan la littéra mosakoni. Dès dimanche novembre 63 soir. Oyo ya mokolona lomingo, sans azomina moko. Na pourquoi? Paragraphe 25. C'est là qu'on a tout le monde. Là, je vais chuter. Voilà les acquittés. C'est pourquoi Yangouana. Nous savons que nous sommes au temps de la fin. Croyez-vous que nous sommes au temps de la fin? Nous y sommes. Je ne connais pas la distance qui nous en sépare. Mais évitez-vous. Il ne nous laissera jamais connaître cela. Car sa venue sera semblable à celle d'un voleur pendant la nuit. Mon ami, mon frère, ma soeur, soyez nous et moi prêts. Et éprouvons-nous nous-mêmes. Voyez-vous, parce que le monde continuera comme avant. Il ne saura même pas que c'est arrivé. Quand les portes de la miséricorde seront fermées, le prédicateur sera en train de prêcher le salut. Voyez, laissez inciter les gens à se repentir. Il continuerait ainsi. Comme ça toujours été l'état. C'est ainsi dans d'autres âges. Ça a été l'état. Et ça sera l'état dans cet âge. L'enlèvement sera si soudain. Et si rapide. Ben que le monde ne... que le monde ne se rendra même pas compte qu'ils sont partis. Ils n'en sauront rien. Il viendra, s'éclipsera avec elle. Elle sera partie. Les gens n'en sauront rien. Et si soyons en prière. Amen. Méditez là-dessus. La bénédiction du Seigneur est proche. Le temps n'est plus. Rachetez le temps. Car les jours c'est mauvais. Jésus vous te plie ce matin. Ouvrez ton corps. Répands-toi. Et ta vie est encore là. Le temps de Jésus coule encore. La grâce coule encore. D'ici là, la porte va se fermer. Mais ce matin, la porte est encore ouverte. Et c'est la tombe, et ça que je vous fasse garder le comprendre. Vous le reste que le Tout-Puissant vous bénisse. Qu'il vous bénisse.